Bonsoir petits et grands, vous voici de retour dans la machine à son. Ah, qu'est-ce que vous êtes gentils de m'accueillir tous les mercredis chez vous, dans vos petites oreilles. Eh oui, oh, qu'est-ce que... Voilà, là, je me suis blessé déjà, ça y est, ça commence. Eh oui, c'est un peu christique comme émission à la machine à son, je souffre pour vous. Et le professeur aussi, eh oui, là il est dramatisé, ça se dit pas ça. Il est au fond du trou, voilà, on va dire au fond du trou, eh oui, parce que voilà... Tina Turner étant morte, eh ben lui il est mort un peu. Et ce soir il m'a dit je devais en amener un et je l'ai pas amené. Enfin voilà. Enfin il parle pas tout à fait comme ça. Et parce que je vous raconterai une histoire tout à l'heure. Peut-être lui-même vous la racontera. Ça serait vachement plus rigolo. Mais bon on verra. Voilà. Donc du coup bah ça l'a un peu déconfit. Et donc voilà, il me dit oui, voilà, c'est, je suis pas dans les bons trucs cosmiques, je suis pas branché avec le réel, toi, je suis parti dans des trucs. Enfin, vous savez pas parce que vous le côtoyez pas, vous ne faites qu'entendre le résidu de ses pensées. Mais moi, je le fréquente quand même de temps en temps dans la semaine, donc voilà, et surtout un peu avant le mercredi. Alors c'est pour ça que le mercredi soir, je n'en peux plus. Qu'après, je vais pouvoir souffler pendant une semaine. Mais bon. Tout ça, c'est pour la bonne cause, c'est pour vous occuper. Vous faire réfléchir, vous faire, je sais pas quoi moi, faire tout ce que vous voulez au final. Hein. Il n'y a aucune obligation dans la machine à son. Donc, ce soir, il n'y a pas vraiment de nom en fait. On a cherché avec le professeur, on avait pensé à des trucs, style, je ne sais même plus, une histoire de cheveux roux et de yeux doux. Je sais pas. Bon, bref, mais enfin, rien n'a abouti, donc on va faire un peu... comme d'habitude, n'importe quoi. En général, ça vous plaît, à nous aussi. Donc, je sais pas, moi, tiens, si on attaquait la bourse. Allez. Ah, ça commence mal, là. Il y a des flammes qui montent à l'intérieur de la bourse, c'est car rapide. Des manifestants ont pénétré, je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur de la bourse. Ils ont forcé tout d'abord les grilles, ils ont monté les marches, ensuite ils ont enfoncé les portes. Ils ont déposé à l'intérieur de la bourse des cajots qui traînaient par là, les détritus aussi qui étaient dans le coin, justement, rue du 4 septembre, rue Vivienne, et ils les ont mis à l'intérieur et ils les ont enflammés. Partout en France, ce sont les mêmes batailles. À Nantes, à Strasbourg, à Bordeaux, à Lyon, où va mourir un commissaire de police, et enfin à Paris, où comme les soirs précédents, les manifestants de la gare de Lyon se sont retrouvés au quartier latin pour une nouvelle nuit rouge. Sur le pont Neuf. You heard in my heart, you heard in my pride. Cette ambiance feu de bois, quand même, c'est un peu perturbant, ne vous trouvez-vous pas? Ce type vous a fait un lavage de cerveau. Je crois qu'il utilise de la musique. Ta-da-da, ta-da-da-da, ta-da-da, ta-da-da-da, da-da-da-da-da, boum, tam, boum. Yeah. Couldn't give a toss about your shit tunes, you fat bastard. Fuck you. Game show host. Thinks it's Quincy Jones in reissued shell toes. Close links with the sheep. They're everywhere. Selling you expensive clothes, serving you drinks, or giving you a consultation over your flaky fashion air. You are not obsessed with music. You are obsessed with the idea of being obsessed with music. I think you're starting to lose it. Why don't you get on a wham angle? Choose life. Don't choose music. My music. Don't choose music. My music. Don't choose music. My music. Countless promises, donkey's carrot. Your victories are few. This ain't Rome. You accuse people of trying to be mysterious. Well, look at you. The monopoly isn't yours. It's a game anyone can play. I'll be throwing pint glasses at your bedroom window when I'm doing lager shits on your pretty park lane. Comic plaster, two black eyes. What's happened to you? The casino, Cato. I don't need to be running around looking like Inspector Clouseau, but I will. Any kind of trust, friendship, it will be walked over. I am a sex addict. It's a modern phenomenon. I'm a wanker. I'm shagging your missus in a dirty flat. You hold the camera, get it closer, because this is bend over. You are not obsessed with music. You are obsessed with the idea of being obsessed with music. I think you're starting to lose it. Why don't you get on a wham angle? Choose life. Don't choose music. My music. Don't choose music. My music. Don't choose music. My music. There's no glory in beating down the door of repetition. Don't dress it up. Buy a map and brace your soul for the awful unfolding scene of the future. Bonafide recognition. I'm getting hot wires crossed. Sheer frustration. Why doesn't my key fit this fucking ignition? Unemployment, stress, binges in dingy rooms in an unforgiving city. Redeployment, only to find I'm much preferred. Unemployment and the feeling of you never know what's gonna happen next. It's 34 degrees, I'm wearing a pair of crap shorts and a 7-year-old vest. The exam went well, but I failed the pissing test. What a mess, what a fucking mess. More is less, because we are the Flatland Mods. In 1962 we kicked it off, and the West End jazz cafes get all the recognition. Bill Daniels didn't help matters. He should have had an accent from the East Midlands. The King's Road always gets the perks, but it don't work like riding a PX from Stamford all the way to Lisbon. I love you, Daz. Come out of that dog patch. Now let's rule Nottingham. They never even saw us coming, because I sing loud and proud for Black Gibson. Ah, ils sont fabuleux. Eh oui, ils sont fabuleux. Le professeur est à genoux, il prie. Il me dit, c'est les paroles d'évangile, l'amour, le machin. Je suis pas trop sûr qu'il ait compris les paroles. Mais c'est en anglais, il parle pas anglais. Sur la joue droite, dans la joue gauche, et tout ira bien. Aime ton prochain. Aime. T'as compris? Après, on dira que la machine à son n'est pas une émission d'amour. Eh ben voilà, vous en avez eu un exemple, quand même. Ah, je vous jure, que des critiques fumeuses. Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel ? De la marijuana. Vous en voulez ? Oh non, merci. Excellent ? Certainement pas. Moi, avec plaisir. Si. La marijuana, vous savez, ce n'est rien. Non, mais c'est un premier pas vers des choses plus graves. J'ai horreur des drogués. Monseigneur, je vous en prie. Pardon, chopez mal. Merci. La marijuana n'est pas une drogue. Regardez ce qui se passe au Vietnam, par exemple. Du général en chef au simple soldat, tout le monde fume. Et le résultat, c'est qu'ils bombardent leurs propres troupes au moins une fois par semaine. Mais non, madame, s'ils bombardent leurs propres troupes, c'est qu'ils ont leur raison. Να κλετώ. us on the drive and let us start. Thank you. oui, là chez vous, c'est la machine à son. Dans la machine à son, tout est bon. Voyage au bout de l'acide lysergique dit. aux hormones. Yeah. La mer, pleine de merde. Yeah. Le monde, en plastique. Yeah. La structuration, le métro. Cannabis indica, chanvre et Marie-Jeanne. Opium hashish, Blanche-Neige. Stick if to bed joint, Hervé voyage au bout de la civilisation, dit-il la nuit. Et la nuit, et la nuit, et la nuit, et la nuit. We'll be right back. Avec la machine à son, jamais les cheveux ne pousseront de travers. Apprendons l'espagnol avec la machine à son. Equivocado de camino. Il a quand même de la ressource, le professeur, dans les reprises un peu cheloues. Et attendez celle qui suit. Il tenait absolument à ce que les deux soient la suite. C'est tout un truc dans sa tête. Allez, c'est parti. Et oui, si je monte pas le son, vous voyez, il y a une espèce d'acte manqué. J'avais pas envie de celui-là. Alors l'autre yeux verron, là, il fait la toupie, là, ça y est. Hey mec, ah, au cours du comme ça. Hey mec, on se retrouvera. Hey mec, je ne veux plus de ça. J'ai trop souffert par toi, je ne retrouve plus ma voix. Hey mec, tu me le referas pas. Hey mec, j'aurais jamais cru ça. Hey mec, encore une deuxième fois, tu t'es joué de moi, tu le regretteras. Sale petit mec, ce que tu m'as fait faire là, tôt ou tard tu me paieras. Sale petit mec, ce que tu m'as fait faire là, tôt ou tard tu me paieras. Hey mec, je ne veux plus de toi. Hey mec, ma vie est mieux comme ça. Ni loi, ton poison et ton poids, l'enfer est ta seule voix. Sale petit mec, ce que tu m'as fait faire là, tôt ou tard tu me paieras. Sale petit mec, ce que tu m'as fait faire là, tôt ou tard tu me Désolé professeur, je sais que je ne respecte pas la musique. Mais là, ce n'est pas possible. Saxophone au secours. Love it. And when you want it, I will do it. My word is my bond. And when I do it, you will love it. And when I do it, you will love it. And when I do it, you will love it. And when I do it, you will love it. And when I do it, you will love it. And when I do it, you will love it. And when I do it, you will love it. And when I do it, you will love it. Putain, professeur, un disque, ça se nettoie. Nous n'appartenons à aucune secte. Nous sommes des insectes nuisibles. Parfois, je me demande comment je finirai ma vie. Mon pognon, mon temps t'est remis à neuf. Finir en colo, finir en colo. Je veux pas finir comme un rat d'égout, comme un rat de dégoût. J'aurais peut-être un chien et un gosse et ma femme. Finir en tout seul, finir en tout seul. Le monde entier a mes pieds, mes chaussettes pas pour eux. Finir en tout seul, finir en tout seul. Heureusement qu'il y aura la guerre, je me sentirai moins seul. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Sitting on the Dakota Bay. had a lonesome feeling. All it took was a look from you, and girl, you made me smile. Would you come closer to me and let me talk with you a while? 'Cause baby, you're my kind of woman. You were stepping high, looking fine, taking time to be a natural woman. When I looked at you, that's when I knew you were just the kind of girl I'd been wanting. Such a lovely thing, I love to look at you. Come over here and talk to me, and let me get to know you. 'Cause baby, you're my kind of woman. Ça sent la fin, ça sent la fin, ça sent la fin, ça sent la fin, ça sent la fin. Et oui, toute bonne chose a une fin, y compris la machine à son. Heureusement, si nous vous la seriez, ça durait toute l'année, n'est-ce pas? Et bah, maintenant, il va falloir attendre jusqu'à mercredi prochain. Allez, je coupe la chic à l'excellent Tony Joe White qui a fermé la machine à son. Et donc ce soir, vous avez entendu, pour votre plus grand plaisir, dans le plus grand désordre, OTH, Danko Jones, les Recto Verso avec leur fantastique reprise de Bowie, Los Explosivos, Soft Machine, Nino Ferrer deux fois, La Fanfare Bolchevique, fabuleusement introduite par Brigitte Fontaine, avant ça Gina X, moins charismatique, un petit peu de Rebetiko. Vous avez aussi droit à l'introduction de Christmas Carol, musique sacrée, avec Bernard Gérard, et après ça part à la trompette, c'est pour ça que je l'ai arrêté. Vous avez aussi quoi là, ouais, un truc super étrange là, Christian Rock Fièvre, j'ai rien compris à ce disque. Mais bon, voilà. Et puis sinon, qu'est-ce que vous avez eu d'autre? Je regarde l'heure, ça va, j'ai le temps. Vous avez eu... ah oui, Tuff Guac dans l'excellente et étrange reprise Sitting on the Dock of the Bay. Fleur, vous ne l'avez pas eu, ça sera pas une prochaine fois. Sonia avec Aki and Midoubé. Les Meters, Luc Mariani. Les Pygmées qui chantent, qui ont chanté avec Luc Mariani. Los Pops, Ten Years After, Clifford Mods. Enfin voilà, que des trucs fantastiques, comme toujours. Et comme toujours, quand c'est la fin, je me tais. À la semaine prochaine.